Chapitre 17. Monsieur le marquis de Courtaumieux idolâtrait sa fille. C'était un fait admis, notoire dans le pays, incontestable et incontesté. Venait-on à lui parler de Mademoiselle Blanche, on ne manquait jamais de lui dire « Vous qui adorez votre fille ». Et si lui-même en parlait, il disait « Moi qui adore Blanche ». La vérité est qu'il eût donné bonne chose, le tiers de sa fortune, pour en être débarrassé. Cette jeune fille toute souriante, qui semblait encore une enfant, avait su prendre en lui un empire absolu dont elle abusait, et selon son expression en ces jours de mauvaise humeur, elle le menait comme un tambour. Or, le marquis était excédé du despotisme de sa fille. Il était las de plier comme une baguette de vime au souffle de tous ses caprices, et Dieu sait si elle en avait. Il lui avait bien jeté tante Médie, mais en 3 mois, la parente pauvre avait été rompue, brisée, assouplie, au point de ne compter plus. Souvent, le marquis se révoltait, mais 9 fois sur 10, il payait cher ses tentatives de rébellion. Quand Mademoiselle Blanche arrêtait sur lui, d'une certaine façon, ses yeux froids et durs comme l'acier, tout son courage s'envolait. Avec lui, d'ailleurs, elle maniait l'ironie comme un poignard empoisonné, et connaissant les endroits sensibles, elle frappait avec une admirable précision. « Ce n'est pas une fille que j'ai, » pensait parfois le marquis avec une sorte de désespoir. « C'est une seconde conscience, bien autrement cruelle que l'autre. » Pour comble, Mademoiselle Blanche faisait frémir son père. Il savait de quoi sont capables, ou plutôt, il se demandait de quoi ne sont pas capables ces filles blondes, dont le cœur est un glaçon et la tête un brasier, que rien n'émeut et que tout passionne, qu'une incessante inquiétude d'esprit agite, que la vanité mène. Quel samourage du premier faquin venu, pensait-il, et elle me plante là sans hésiter. Quel scandale alors dans le pays. C'est dire de quel vœu il appelait le bon, l'honnête jeune homme, qui, en épousant Mademoiselle Blanche, le délivrerait de tous ses soucis. Mais où le prendre, ce libérateur? Le marquis avait annoncé partout, et à son de trompe, qu'il donnait à sa fille 1 million de dot. Comme de raison, ce mot magique avait mis sur pied le banc et l'arrière-banc des épouseurs, non seulement de l'arrondissement, mais encore des départements voisins. On eût rempli les cadres d'un escadron sur le pied de guerre, rien qu'avec les ambitieux qui avaient tenté l'aventure. Malheureusement, si dans le nombre quelques-uns convenaient assez à M. de Courtaumieux, nul n'avait eu l'heure de plaire à Mademoiselle Blanche. Son père lui présentait-il quelques prétendants? Elle l'accueillait gracieusement, elle se parait pour lui de toutes ses séductions, mais dès qu'il avait tourné les talons, d'un seul mot, qu'elle laissait tomber de la hauteur de ses dédains, elle l'écartait. « Il est trop petit, disait-elle, ou trop gros, il n'est pas assez noble, je le crois fat, il est sot, son nez est mal fait. » Et à ses jugements sommaires, pas d'appel. On eût vainement insisté ou discuté. L'homme condamné n'existait plus. Cependant, la revue des prétendants l'amusant, elle ne cessait d'encourager son père à des présentations, et le pauvre homme battait le pays avec un acharnement qui lui eût valu des quolibets s'il eût été moins riche. Il désespérait presque quand la fortune ramena à Sermeuse le duc et son fils. Ayant vu Martial, il eut le pressentiment de la libération prochaine. « Celui-là sera mon gendre, » pensa-t-il. Le marquis professait ce principe qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Aussi, dès le lendemain, laissait-il entrevoir ses vues au duc de Sermeuse. L'ouverture venait à propos. Arrivant avec l'idée de se créer à Sermeuse une petite souveraineté, le duc ne pouvait qu'être ravi de s'allier à la maison la plus ancienne et la plus riche du pays, après la sienne. La conférence de ces deux vieux gentilshommes fut courte. « Martial, mon fils, dit le duc, a de son chef 100 000 écus de rente. J'irai pour ma fille jusqu'à... Oui, jusqu'à 1 500 000 francs, prononça le mari. Sa majesté a des bontés pour moi. J'obtiendrai pour Martial un poste diplomatique important. Moi, j'ai, en cas de malheur, beaucoup d'amis dans l'opposition. » Le traité était conclu. Mais M. de Courtaumieux se garda bien d'en parler à sa fille. Lui dire combien il souhaitait cette alliance eût été lui donner l'idée de la repousser. laisser aller les choses lui parut le plus sûr. La justesse de ses calculs lui fut démontrée un matin que Mademoiselle Blanche fit irruption dans son cabinet. « Ta capricieuse fille est décidée, père, » lui dit-elle péremptoirement. « Elle serait heureuse de devenir la marquise de Sermeuse. » Il fallut à monsieur de Courtaumieux beaucoup de volonté pour dissimuler la joie qu'il ressentait. Mais il songea qu'en laissant apercevoir quelque chose, il perdrait peut-être tout. Il présenta quelques objections, elles furent vivement combattues, et enfin il osa dire « Voici donc un mariage à moitié fait, déjà une des parties consent, reste à savoir si l'autre… »« L'autre consentira, » déclara l'orgueilleuse héritière. Et dans le fait, depuis plusieurs jours déjà, Mademoiselle Blanche appliquait toutes ses facultés à l'œuvre de séduction qui devait faire tomber Martial à ses genoux. Après s'être avancée, avec une inconséquence calculée, sûre de l'impression produite, elle battait en retraite, manœuvre trop simple pour ne pas réussir toujours. Autant elle s'était montrée vive, spirituelle, coquette, rieuse, autant peu à peu elle devint timide et réservée. La pensionnaire étourdie parut s'effacer sous la Vierge. Elle joua pour Martial, et avec quelle perfection, cette comédie divine du premier amour. Il put observer les naïves pudeurs et les chastes appréhensions de ce cœur qui semblait s'éveiller pour lui. Paraissait-il, Mademoiselle Blanche rougissait et se taisait. Pour un mot, elle devenait confuse. On ne vit plus ses beaux yeux verts qu'à travers les franges soyeuses de ses sourcils. Qui lui avait enseigné cette politique de la coquetterie la plus raffinée? On dit que le couvent est un grand maître. Mais ce qu'on ne lui avait pas appris, ce qu'elle ignorait, c'est que les plus habiles deviennent dupes de leurs mensonges. C'est que les grandes comédiennes finissent toujours par verser de vraies larmes. Elle le comprit un soir où une plaisanterie du duc de Sermeuse lui révéla que Martial allait tous les jours chez Lacheneur. Ce qu'elle ressentit alors ne pouvait se comparer au frémissement de la jalousie, de colère plutôt, qui déjà l'avait agitée. Ce fut une douleur aiguë, âpre, intolérable, la sensation d'une lame rougie déchirant ses chairs. La première fois, tout en rêvant une vengeance, elle avait pu garder son sang-froid. Cette fois, non. Pour ne pas se trahir, elle dut quitter le salon précipitamment. Elle courut s'enfermer dans sa chambre, et là éclata en sanglots. « Ne m'aimerait-il donc pas ? » murmurait-elle. Cette pensée la glaçait, et elle, l'orgueilleuse héritière, pour la première fois, elle douta de soi. Elle songea que Martial était assez noble pour se moquer de la noblesse, trop riche pour ne pas mépriser l'argent, et qu'elle-même n'était sans doute ni si jolie ni si séduisante qu'elle le croyait, et que le disaient ses flatteurs. Elle pouvait n'être pas aimée, elle tremblait de ne l'être pas. Tout cependant, dans la conduite de Martial, et Dieu sait avec quelle fidélité sa mémoire la lui rappelait depuis une semaine, tout était fait pour lui rendre quelque assurance. Il ne s'était pas déclaré formellement, mais il était parfaitement clair qu'il lui faisait la cour. Ses façons avec elle étaient celles du plus respectueux et en même temps du plus épris des amants. À certains moments, elle l'avait troublé, elle en était sûre. Il lui semblait entendre encore le tremblement de sa voix à quelques phrases qu'il avait murmurées à son oreille. Mademoiselle Blanche se rassurait à demi, quand le souvenir soudain d'une conversation surprise entre deux de ses parentes illumina les ténèbres où elle se débattait. L'une de ces deux jeunes femmes racontait en pleurant que son mari, qu'elle adorait, avait une liaison avant son mariage, et qui ne l'avait pas rompue. Épouse légitime, elle était entourée de soins et de respect. On lui faisait la charité des apparences, mais l'autre avait la réalité, l'amour. Cette pauvre femme ajoutait encore que cette situation la rendait la plus misérable des créatures, qu'elle se taisait pourtant et dévorait ses lamentations secrets, redoutant au premier mot de reproche de voir son mari l'abandonner ou cesser de se contraindre. Cette confidence autrefois avait fait rire Mademoiselle Blanche et l'avait indignée en même temps. « Peut-on être lâche à ce point ? » s'était-elle dit. Maintenant, il fallait bien reconnaître qu'elle avait raisonné la passion comme un aveugle nez la lumière. Et elle se disait, « Qui me garantit que Martial ne songe pas à se conduire comme le mari de ma parente ?» Mais comme jadis, tout lui paraissait préférable à l'ignominie d'un partage. « Il faudrait écarter Marie-Anne, pensa-t-elle, la supprimer, mais comment ?» Il faisait jour depuis longtemps que Mademoiselle Blanche délibérait encore, hésitant entre 1000 projets contradictoires et plus impraticables les uns que les autres. Pour la rappeler à la réalité, il ne fallut rien moins que l'entrée de sa camériste, qui lui apportait un énorme bouquet de roses envoyé par Martial. « Comment, mademoiselle ne s'est pas couchée ?» fit cette fille surprise. « Non, je me suis endormie sur ce fauteuil et je m'éveille à l'instant. Il est inutile de parler de cela. » Elle avait pris les roses, et tout en les disposant dans un grand vase du Japon, elle baignait d'eau froide ses paupières gonflées par les premières larmes sincères qu'elle eut répandues depuis qu'elle était au monde. À quoi bon? Cette nuit d'angoisse et de rage solitaire avait pesé plus qu'une année sur le front de l'orgueilleuse héritière. Elle était si pâle et si triste, si différente d'elle-même, lorsqu'elle parut à l'heure du déjeuner, que tante Médie s'inquiéta. Mademoiselle Blanche avait préparé une excuse, elle la donna d'un ton si doux que la parente pauvre en fut saisie comme d'un miracle. Monsieur de Courtaumieux n'était guère moins intrigué. De quelle nouvelle lubie cette contenance était-elle la préface? Pensait-il. Il devint inquiet pour tout de bon, quand, au moment où il se levait de table, sa fille lui demanda un instant d'entretien. Il la précéda dans son cabinet, et dès qu'ils y furent seuls, sans laisser à son père le temps de s'asseoir, Mademoiselle Blanche le supplia de lui apprendre sans réticence tout ce qui avait dû se passer et se dire entre le duc de Sermeuse et lui, si les conditions d'une alliance étaient arrêtées, où en étaient les choses, et enfin, si Martial avait été prévenu et ce qu'il avait répondu. Sa voix était humble, son regard humide. Tout en elle trahissait la plus affreuse anxiété. Le marquis était ravi. Mon imprudente a voulu jouer avec le feu, se disait-il en caressant son menton glabre, et par ma foi elle s'est brûlée. Ce moment le vengeait délicieusement de quantité de coups d'épingle qui lui cuisaient encore. Même la tentation d'abuser de son avantage traversa son esprit. Il n'osa, craignant un retour. Hier, mon enfant, répondit-il, le duc de Sermeuse m'a formellement demandé ta main, et on n'attend que ta décision pour les démarches officielles. Ainsi, rassurez-vous, belle amoureuse, vous serez un jour duchesse. » Elle cacha son visage entre ses mains pour dissimuler la rougeur que ce mot « amoureuse » faisait monter à son front. Ce mot, jusqu'alors, lui paraissait qualifier une monstrueuse faiblesse, indigne et inavouable. « Tu sais bien ma décision, père, » balbutia-t-elle d'une voix à peine distincte. Il faut nous hâter. » Il recula, croyant avoir mal entendu. « Nous hâter, » répéta-t-il. « Oui, père, j'ai des craintes. »« Et lesquelles, bon Dieu ?»« Je te les dirai quand je serai sûr, » répondit-elle en s'échappant. Certes, elle ne doutait pas, mais elle voulait voir de ses yeux, et tant de ses âmes qui goûtent une âpre et affreuse jouissance à descendre tout au fond de leur malheur. Ainsi, dès qu'elle eut quitté son père, elle força tante Mélie à s'habiller en toute hâte, et sans un mot d'explication, elle la traîna au bois de la Rèche, à un endroit d'où elle apercevait la maison de Lacheneur. C'était le jour où monsieur d'Escorval était venu demander une explication à son ancien ami. Elle le vit arriver d'abord, puis peu à peu arriva Martial. On ne l'avait pas trompée, elle pouvait se retirer. Mais non. Elle se condamnait à compter les secondes que Martial passerait près de Marie-Anne. Monsieur d'Escorval ne tarda pas à sortir. Elle vit Martial s'élancer après lui et lui parler. Elle respira. Sa visite n'avait pas duré une demi-heure, et sans doute il allait s'éloigner. Point. Après avoir salué le baron, il remonta la côte et rentra chez Lacheneur. « Que faisons-nous ici ? » demandait tante Médie. « Ah, laisse-moi ! Répondit rudement Mademoiselle Blanche. « Tais-toi !» Elle attendait, au haut de la lande, comme un bruit de roues, des piétinements de chevaux, des coups de fouet et des jurons. Les charrettes annoncées par Martial, et qui portaient le mobilier et les effets de M. Lacheneur, arrivaient. Ce bruit, Martial l'entendit de la maison, car il sortit, et après lui parurent M. Lacheneur, son fils, Chanlouineau et Marianne. Tout le monde aussitôt s'employa à débarrasser les charrettes, et positivement, au mouvement du jeune marquis de Sermeuse, on eût juré qu'il commandait la besogne. Il allait, venait, s'empressait, parlait à tout le monde, et même par moments, il ne dédaignait pas de donner un coup de main. « Il est dans cette maison comme chez lui, » se disait Mademoiselle Blanche. « Quelle horreur, un gentilhomme ! Ah, cette dangereuse créature lui ferait faire tout ce qu'elle voudrait !» Ce n'était rien. Une troisième charrette apparaissait, traînée par un seul cheval, et chargée de pots de fleurs et d'arbustes. Cette vue arracha à Mademoiselle de Courtomieu un cri de rage qui devait porter l'épouvante dans le cœur de Tante Médie. « Des fleurs ! » dit-elle d'une voix sourde. « Comme à moi ! Seulement il m'envoie un bouquet, et pour elle il dépouille les massifs de Sermeuse. » « Que parles-tu donc de fleurs ? » interrogea la parente pauvre. Mademoiselle Blanche eût voulu répondre qu'elle ne l'eût pu. Elle étouffait. Et cependant, elle se contraignit à rester là 3 longues heures, tout le temps qu'il fallut pour tout rentrer. Les charrettes étaient parties depuis un bon moment déjà, quand enfin Martial reparut sur le seuil de la maison. Marianne l'avait accompagné et ils causaient. Il semblait ne pouvoir se décider à partir. Il se décida cependant et s'éloigna doucement, comme à regret. Marianne, restée sur la porte, lui adressait un geste amical. « Je veux parler à cette créature !» s'écria Mademoiselle Blanche. « Viens, Tante Médie, il le faut !» Il n'y a pas à en douter. Si Marianne se fût trouvée en ce moment à portée de la voix, Mademoiselle de Courtomieu laissait échapper le secret des souffrances qu'elle venait d'endurer. Mais de l'endroit du bois où s'était établie Mademoiselle Blanche, jusqu'à la pauvre maison de Lacheneur, il y avait bien 100 mètres d'un terrain très en pente, sablonneux, malaisé, et tout entrecoupé de bruyères et d'ajoncs. Il fallait à Mademoiselle Blanche 1 minute pour traverser cet espace, et c'était assez de 7 minutes pour changer toutes ses idées. Elle n'avait pas franchi le quart du chemin, que déjà elle regrettait amèrement de s'être montrée. Il n'y avait plus à reculer. Marianne, debout sur le seuil de sa porte, devait l'avoir vue. Il ne lui restait qu'à profiter du reste de la route pour se remettre, pour composer son visage. Elle en profita. Elle avait aux lèvres son meilleur, son plus doux sourire, quand elle aborda Marianne. Pourtant, elle était embarrassée. Elle ne savait trop de quel prétexte colorer sa visite. Et pour gagner du temps, elle feignait d'être très essoufflée, presque autant que Tante Médie. « Ah, on n'arrive pas aisément chez vous, chère Marianne, » dit-elle enfin. « Vous demeurez sur une montagne. » Mademoiselle Lacheneur ne disait mot. Elle était extrêmement surprise et ne savait pas le cacher. « Tante Médie prétendait connaître le chemin, » continua Mademoiselle Blanche. « Mais elle m'a égarée, n'est-ce pas, tante ?» Comme toujours, la pauvre tante approuva et sa nièce poursuivit. « Mais enfin, nous voici. Je n'ai pu, ma chérie, me résigner à rester sans nouvelles de vous, surtout après votre malheur. Que devenez-vous ? Ma recommandation vous a-t-elle procuré le travail que vous espériez ?» Sans défiance aucune, Marianne devait être prise au ton d'intérêt touchant de son ancienne amie. C'est donc avec la plus entière franchise, sans faste de douleur comme sans fausse honte, qu'elle avoua l'inanité de presque toutes ses démarches. Même, il lui avait semblé que plusieurs personnes avaient pris plaisir à la mal recevoir. Mais Mademoiselle Blanche n'écoutait pas. À 2 pas d'elle étaient les caisses d'arbustes à portée de Sermeuse, et leur parfum rallumait sa colère. « Du moins, interrompit-elle, vous avez ici de quoi vous faire presque oublier les jardins de Sermeuse. Qui donc vous a envoyé ces belles fleurs ?» Marianne devint pourpre, resta un moment interdite, et enfin répondit, ou plutôt balbutia. « C'est une attention de monsieur le marquis de Sermeuse. » « Ainsi elle avoue, » pensa mademoiselle de Courtomieux, stupéfaite de ce qu'elle jugeait une insigne impudence. Mais elle réussit à cacher sa rage sous un grand éclat de rire, et c'est sur le ton de la plaisanterie qu'elle dit « Prenez garde, cher ami, je vais vous en vouloir, c'est de mon fiancé que vous acceptez ces fleurs. » Comment, le marquis de Sermeuse a demandé la main de votre ami? Oui, ma belle mignonne, et mon père la lui a accordée. C'est encore un grand secret, mais je ne vois nul danger à le confier à votre amitié. » Elle croyait ainsi percer le cœur de Marianne, mais elle eut beau l'observer, elle ne surprit pas sur son visage le plus léger tressaillement. Quel héroïsme de dissimulation, pensa-t-elle. Puis, tout haut, avec un effort de gaieté, elle reprit. « Et le pays verra deux noces en même temps, car vous allez vous marier aussi, ma chérie. »« Moi ?»« Oui, vous, vilaine cachotière. Tout le monde sait bien que vous épousez un jeune homme des environs, qui se nomme... attendez, je sais... Jean-Louineau. » Ainsi, ce bruit qui désolait Marianne lui revenait de tous les côtés, ironique, persistant. « Tout le monde se trompe, » dit-elle avec trop d'énergie. « Jamais je ne serai la femme de ce jeune homme. » « Tiens, pourquoi donc? On le dit très bien de sa personne et assez riche. »« Parce que... » balbutia Marianne. « Parce que... » Le nom de Maurice d'Escorval montait à ses lèvres. Malheureusement, elle ne le prononça pas, arrêtée qu'elle fut par un regard étrange de son ancienne amie. Que de destinées ont tenu à une circonstance tout aussi futile en apparence. Coquine, pensait mademoiselle Blanche, impudente, il lui faudrait un marquis de Sermeuse. Et comme Marianne s'embarrassait à chercher une cause plausible, elle reprit d'un ton froid et railleur qui laissait à la fin deviner toutes ses rancunes. Vous avez tort, ma chère, croyez-moi, de refuser ce parti. Ce Jean-Louineau vous éviterait, en tout cas, la pénible obligation de travailler de vos mains et d'aller de porte en porte, quêter de l'ouvrage qu'on vous refuse. Mais n'importe, je serai, moi, elle appuyait sur ce mot, plus généreuse que vos anciennes connaissances. J'ai des bandes de jupons à broder, je vous les enverrai par ma femme de chambre, vous vous entendrez ensemble pour le prix. Allons, adieu, ma chère. Viens-tu, tante Médi? Elle partit en ricanant, laissant Marianne pétrifiée de surprise, de douleur et d'indignation. Sans avoir l'expérience de mademoiselle Blanche, elle comprenait bien que cette visite étrange cachait quelque mystère. Mais lequel? Après plus d'une minute, elle était encore immobile à la même place, au milieu du jardin, regardant s'éloigner cette amie de sa prospérité, quand une main s'appuya légèrement sur son bras. Elle tressaillit, se retourna vivement, et se trouva en face de son père. Lacheneur était plus blanc que le col de sa chemise, et ses yeux brillaient d'un sinistre éclat. « J'étais là, » dit-il en montrant la porte de sa maison. « J'ai tout entendu. »« Mon père ? » ?»« Quoi ? Voudrais-tu par hasard la défendre, après qu'elle a eu l'infamie de venir ici, chez toi, t'écraser de son insolent bonheur, après qu'elle t'a accablé de son érotique pitié et de ses mépris ? « Va, je te l'avais dit, elles sont toutes ainsi, ces filles, à qui la vanité a tourné la tête, et qui se croient dans les veines un autre sang que le nôtre. Mais patience, le jour de notre revanche lui ira. » Ils eussent frémi ce qu'ils menaçaient, s'ils l'eussent entendu et vu en ce moment, tant il y avait de rage dans son accent, tant il paraissait formidable. « Et toi, reprit-il, ma fille bien-aimée, ma pauvre Marianne, toi, tu n'as rien compris aux outrages de notre noble héritière. Toi, tu te demandes, n'est-ce pas, dans ton innocence, quelle raison elle a de t'en vouloir? Eh bien, je vais te les dire. Elle s'imagine que le marquis de Sermeuse est ton amant. » Marianne chancela sous ce coup terrible, et un spasme nerveux la secoua de la nuque au talon. « Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. « Grand Dieu ! Quelle honte, quelle humiliation ! » Eh bien, reprit froidement Lacheneur, qu'y a-t-il là qui t'étonne? Ne t'attendais-tu pas à cela, le jour où, fille dévouée, tu t'es résignée, pour servir mes desseins, à subir ces fades et écœurants hommages de ce marquis de Sermeuse que tu exècres et que je méprise? Mais, Maurice, Maurice me méprisera. Je puis tout accepter, oui, tout, excepté cela. » Monsieur Lacheneur ne répondit pas, le désespoir de Marianne était déchirant. Il sentit qu'il s'attendrissait et rentra. Mais sa pénétration avait deviné juste. En attendant de trouver une vengeance digne d'elle, Mademoiselle Blanche résolut de se servir d'une arme que la jalousie et la haine trouvent toujours à leur service, la calomnie. Cependant, deux ou trois histoires abominables par elle imaginées et qu'elle forçait tante Médie de répéter partout, ne produisirent pas l'effet qu'elle espérait. La réputation de Marianne fut perdue, mais Martial, loin de cesser ses visites chez Lacheneur, les fit plus longues et plus fréquentes. Même, craignant d'être pris pour dupe, il surveilla. C'est ainsi qu'un soir où il était sûr que Lacheneur, son fils et Chalouineau étaient absents, Martial aperçut un homme qui s'échappait de la maison et traversait en courant la lande. Il s'élança à la poursuite de cet homme, mais il lui échappa. Il avait cru reconnaître Maurice d'Escorval.